بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه مقدمة أخرى للشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى لكتابه المورد العذب الزلال، ونحن في المجلس السابع من دراسة هذا الكتاب. وسي نوتخ la dernière introduction de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi حفظه الله تعالى pour son livre La source abondante et délicieuse dans la critique des voies de la da'wa et de certaines croyances ou de certains actes. يقول حفظه الله تعالى et nous sommes au septième cours. Au sixième cours, barakallahu fik. هذا المجلس السادس فيه. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها إذا اقبل كثير من الشباب على الله تائبين واتجهوا إليه منيبين وقرعوا أبواب الخير مخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأورده الساعة في ترتيب المسند، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمة الله على أئمة المسلمين. الشيخ de nous dire: j'étais réjoui beaucoup quand j'ai vu cet éveil chez les jeunes. Je ne m'attendais pas à cet éveil. Beaucoup de gens sont revenus vers Allah. Beaucoup de jeunes sont revenus vers Allah. Azza wa Jal se sont repentis et ils ont frappé aux portes du bien. Sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et je me suis rappelé cette parole du prophète alayhi salatu salam, qui est rapportée par l'imam Ahmed dans le Musnad et qui est aussi dans la chaîne des authentiques de Sheikh Nasr rahmatullahi ala immati al-muslimin. Où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah subhanahu wa ta'ala plante dans cette religion des plantes qu'il utilise dans son obéissance. Wa yaqulu Sheikh hafidhahullah ta'ala: faqad tami'na anna Allah yansuru bihim dinah wa yu'li bihim kalimatah wa yanshuru bihim al-islam fi rubu' al-ard. Lakin hadha at-tama' sur'ana ma tabaddada hinama ra'aynahum qad tafarraqu shi'an wa ahzaban yakidu ba'dhum li ba'd wa yanalu ba'dhum min ba'd wa yubghidu ba'dhum ba'dha. Il a dit: nous avons eu cette envie que Allah subhanahu wa ta'ala fasse triompher la religion par ces jeunes qui sont revenus à leur religion, et que Allah subhanahu wa ta'ala puisse élever sa parole par leur intermédiaire et qu'il propage l'islam à travers le monde. Mais il a dit: malheureusement, cette envie et cet espoir s'est anéanti quand nous les avons vus se diviser et se constituer en groupes. Et chaque groupe manigance contre l'autre groupe. Et chaque groupe dénigre l'autre groupe. Et chaque groupe déteste l'autre groupe. Ils se détestaient les uns les autres. ويقول حفظه الله تعالى: قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه. فتذكرت أن الشيطان الذي آل على نفسه ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. والذي نذر عداوتهم وإضلالهم حين قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Il dit: حفظه الله تعالى, tout parti est content et satisfait de ce qu'il a. Et tout parti croit que la vérité est arrêté en lui et que la vérité n'est que dans son parti. Chaque adepte d'un parti croit que la vérité elle est tout simplement dans son parti. Et il a dit, je me suis rappelé Shaitan qui a pris sur lui et qui ne se fatigue pas pour détourner la descendance d'Adam, tant qu'ils sont vivants pour les prendre et les détourner du chemin. Tant qu'ils sont en vie, il a pris sur lui de les détourner. Il a fait ce vœu à être leurs ennemis, à les agarrer. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette citation dans le Coran, dans Surat Sad, où Shaitan il dit, par ta puissance, je vais les détourner tous, sauf ceux qui sont, sauf tes adorateurs sincères. قد أدخل ويقول الشيخ حفظه الله تعالى قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن له فيهم الشقاق ويفرق الكلمة ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة. Il dit, en parlant de Shaitan, il a rentré dans cette jeunesse qui est revenue à la religion et dans cet éveil islamique, c'est-à-dire Shaitan, ce qui va lui garantir le fait qu'il soit désuni. Et le fait que leurs paroles soient désunies, et le fait que la vérité va se mélanger au faux et la sunna à l'innovation. وَرُبَّمَا خَلَطَ التَّوْحِيدُ بِالشِّرْكِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَقْبُولًا وَإِنْ خَالَفَ الْعَقِيدَةَ وَمُسْتَحْسَنًا وَإِنْ نَاقَضَ الْإِسْلَامَ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ عُلَمَاءَ يُحْسَنُ بِهِمُ الظَّنُّ وَتَضْفَى عَلَيْهِمُ الْقَدَاسَةُ فَكُلَّمَا جَاءُوا بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ. Et il dit aussi, peut-être aussi qu'il a mélangé le monothéisme à l'associationnisme pour qu'il soit accepté même s'il est en divergence avec le dogme authentique. Et même s'il est en contradiction avec l'islam parce qu'il vient de savants qu'on estime, de savants sur lesquels on a de bonnes suspicions et de savants qu'on a élevés à des hauts degrés à tel point qu'on ne croit pas qu'ils vont tomber dans l'erreur, et à tel point que tout ce qui vient de ces savants, c'est bon. فَلِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ عُلَمَاءِ يُحْسَنُ بِهِمُ الظَّنُّ وَتَضْفَى عَلَيْهِمُ الْقَدَاسَ فَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِي نَظَرِ التَّابِعِينَ أَنْ يُخَالِفُوا الْإِسْلَامَ وَهُمْ يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَأَنْ يَحْصُلَ مِنْهُمُ الْهَدْمُ وَهُمْ يُرِيدُونَ الْبِنَاءَ بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون. Il dit, parce que tout ceci est amené par des hommes de science sur lesquels il y a des bonnes suspicions, et que on les a élevés à des degrés très hauts, et tout ce qui vient de ces savants il est bon, et il est inimaginable dans ceux qui suivent ces savants que ces savants vont être en divergence avec l'islam parce qu'ils appellent vers l'islam. Et il est impossible et inimaginable pour le disciple qu'ils vont amener quelque chose qui détruit l'islam. Certains même vont arriver au degré de croire que ces savants-là ne tombent pas dans l'erreur. Ils ne commettent pas d'erreur. وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم لمتبوعهم أربابا من دون الله فيطيعونهم في معصية الله ويمشون على النهج الذي رسموه لهم وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بما ألزموهم به وإن كان فيه إسخاط لله تعالى. Il dit, ainsi ils sont tombés dans les filets de Shaitan en prenant leur leader comme des divinités en dehors d'Allah, Azza wa Jal, ils leur obéissent dans la désobéissance à Allah. Ils marchent sur la voie qu'ils ont tracée pour eux, même si cette voie est en contradiction avec la voie du prophète, alayhi salam. Ils se cramponnent aux choses auxquelles ces savants leur ont ordonné de se cramponner. Même si dans ces choses-là et dans cette voie-là, il y a la malédiction d'Allah, Azza wa Jal. يقول الشيخ حفظه الله تعالى فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب بلا بما لديهم فرحون ومع جماعة حزبهم متعاطفون قد جعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون ومن أجلها يتحابون ويتوادون. Il a dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, quand j'ai vu que ceci s'est propagé entre les jeunes et qu'ils sont divisés en groupes, chaque groupe est content de ce qu'il a, chaque groupe, les adeptes du groupe ont des affinités entre eux, hein, et des sentiments contre eux, ils ont fait que le hizb, que le parti, ou là le groupe, c'est le seul lien pour lequel ils s'allient, ils disent à vous. Ils se réunissent, ils se font triompher les uns aux les autres par rapport au groupe et par rapport aux idées du groupe. Et pour les idées et les principes du groupe, c'est pour ça qu'ils se réunissent. Et c'est pour ça qu'ils s'aiment. Et c'est pour ça qu'ils se rencontrent. ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل ويزدرئون ما جاء من غير متبوعهم وإن كان يحمل الحق. Ils propagent ce qui vient de leur leader, des leaders de leur groupe et de leurs théoriciens, même s'il contient du faux et du blâmable, et ils négligent, ils rejettent ce qui vient d'autres, malgré qu'il y a dedans la vérité. Tout ce qui vient de leur leader et de leur théoricien, même s'il y a l'erreur dedans, il y a le faux et le blâmable, ils le propagent, ils le mettent en avant. Tout ce qu'il y a, qui vient d'autres, qui ne fait pas partie de leur groupe, même s'il y a la vérité dedans, ils le mettent et le plaquent contre le mur. من وجه إلى أحد منهم من متبوعهم نقدا عادوه وإن كان النقد في البدع والشركيات وزهدوا في كتابه وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوت والصفحات وعادوا حتى من وزعه ونشره وإن كان ممن له عليهم منة وفضلا واتهموه بالغباء والجهل وإن كان مثل إياس ذكاء ونبلا. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, celui, et si quelqu'un critique l'un de leurs leaders, et le leader qu'ils suivent, ils le prennent comme ennemi. Même si la critique, il est orienté vers les innovations et l'associationnisme que défend cette personne. Dès que cette personne commence à critiquer les leaders, ils font éloigner les jeunes de lui et de ses livres. Ils lui font la guerre, même s'il leur montre, il attire leur attention sur les passages dans lesquels il y a les erreurs, dans les livres de leur leader, avec la page et le contenu et les citations. Il est devenu leur ennemi. Et celui qui propage ce genre de livres que les distribue aux jeunes de leur groupe, il est aussi leur ennemi. Ils lui font la guerre, même si c'est quelqu'un chez qui ils ont étudié, c'est quelqu'un qui a été bon avec eux dans le passé. Ils se retournent contre lui. Ils oublient le bien qu'il leur a fait et les affinités qu'ils avaient avec lui auparavant. Et ils le traitent d'ignorant, d'insensé, même s'il a l'intelligence, il a l'intelligence de la plus grande des intelligences. Ils le traitent d'ignorant et d'insensé. وأقرب مثال على ذلك الشيخ العلامة حامر لواء الجرح والتعديل الشيخ الدكتور ربيع حفظه الله تعالى ورعاه لما انتقد رأسا من رؤوسهم وهو السيد قطب أقاموا عليه الدنيا وأقعدوها ونفروا عنه الشباب ولكن الله سبحانه وتعالى نصره عليهم وتبين الحق وهذا مثال واضح على ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الفقرة على أن من ينتقد زعماءهم ورؤساءهم ورموزهم يعادوه ويشوهوا سمعته وينفروا الشباب عنه فهذه طريقتهم مع كل أحد من دعاة الحق فالله المستعان. Et le plus proche exemple de nous qui est flagrant maintenant. Leur comportement vis-à-vis de l'imminence Cheikh Rabbi Hafidhahullah Ta'ala, qui porte l'étendard de la réfutation et de l'éloge. Quand il a critiqué Sayyid Qutb, ils ont créé des tremblements de terre chez les jeunes. Ils ont détourné les jeunes des livres d'Yel Sheikh et des cours d'Yel Sheikh. Et ils ont averti contre le Sheikh. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait triompher Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Il a réalité. Il t'a paru maintenant clairement à beaucoup de monde. Et ça, c'est un exemple flagrant pour ce que vient de nous dire Cheikh Najmi dans ce passage. Car tout un chacun, cela ça te montre clairement que tout un chacun qui s'aventure à remplir son devoir de critiquer les erreurs d'un leader chez l'Ikhwan, ou chez Tkfir, ou chez l'Yassiniyin, ou chez Hizb Tahrir, ou autre, ils se réunissent contre lui. Ils le calomnient. Ils propagent des choses qui ne sont pas vraies sur son dos, sur sa famille, sur son honneur. Tout simplement pour détourner les jeunes de lui. Et ça, c'est leur voix. C'est la voix qu'ils ont prise avec tout un chacun qui appelle à l'innovation. Il n'y a pas très longtemps. Al-Fil Amz al-Qarib, Atani Shab, pour une fille maktabati al-Hadith wa Qal, Ndur, Kaif, Hatta yakdubuna ala aimati al-Din al-Mu'asirin. Qala li, يقولون له في مركز هنا من المراكز الكبيرة عندكم في بروكسل أن الشيخ الألباني يزكي سيد قطب وزكى سيد قطب. سبحان الله، هذا بهتان، وإن كان في القديم إذا كان فهذا بهتان وهذا كذب، لأنه نسخ بكلام للشيخ وبكتابة للشيخ. يا با تري لونطون hier ou avant-hier un des jeunes ici à Bruxelles est venu me voir à la maktaba là-bas derrière le hadith et il m'a dit que j'ai entendu dans un grand centre ici à Ada parmi des grands qui s'occupe de Dawa ici, que l'Albani, rahmatullah alayhi, je ne sais plus quoi faire, l'Albani fait des éloges à Sayyid Qutb. Et ceci est un mensonge. Même si c'est arrivé, il y a des paroles qui viennent et qui abrogent. On a un dernier écrit de Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, dans lequel il refute. Fasma' ma katabahu Nasser al-Sunna wa qami'u al-Bid'a Abu Abdurrahman, rahmatullah alayhi. الشيخ ناصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كتاب الشيخ ربيع العواصم من القواصم مما في كتب سيد قطب يقول حفظه الله تعالى مخاطبا الشيخ ربيع كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. فهذا كلام الشيخ ناصر في سيد قطب. فاتقوا الله في إخوانكم المسلمين واتقوا الله في الشبهات التي تزرعون في شباب المسلمين. لا écoutez maintenant ce que dit Cheikh Abu Abd al-Rahman Sa'ati Nasr Dil Albani rahmatullah alayh, l'imam de la Sunna et le lion de la Sunna à notre époque. Un commentaire sur le livre de Cheikh Rabi' qui s'intitule Qawasim mimma fi kutub Sayyid. Al-Qawasim min al-Qawasim mimma fi kutub Sayyid, c'est-à-dire les protections ce qu'il y a comme erreur dans les livres de Sayyid Qutb. Ça, c'est le titre du livre de Cheikh Rabi'a. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, lui dit ceci, tout ce que tu as refuté de Sayyid Qutb, et tout ce que tu as répliqué à Sayyid Qutb, est une vérité et c'est vrai. Ainsi, il va paraître clairement à tout un chaque, tout musulman qui lit, et qui a un peu de culture musulmane, que Sayyid Qutb ne connaissait pas l'islam. Ne connaissez pas les fondements de l'islam, ni les détails de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Ô frère printemps, parce que Rabi', il lui a mis un al, alif lam, ça fait, ô frère printemps, ayyuhar Rabi', c'est une éloge. Qu'Allah te récompense pour l'accomplissement du devoir de l'éclaircissement, et que tu as montré l'ignorance et la déviation de cet homme de l'islam. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ça, c'est la parole de Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, concernant Sayyid Qutb. Alors arrêtez, craignez Allah, Azza wa Jal, protégez les jeunes, et ne jetez pas des ambiguïtés dans l'esprit des jeunes, en disant n'importe quoi sur les imams de l'islam, parce que vous voulez protéger votre leader. Craignez Allah, demain vous allez rencontrer Allah, Azza wa Jal. Ne dites pas n'importe quoi sur les imams de cette communauté, et ne propagez pas n'importe quoi sur, dans la communauté. Assez de pertes de jeunes, assez de jeunes qui sont morts et qui sont devenus des chairs à canon, là et par-ci et par-là. Préservez le sang de ces jeunes. Craignez Allah, Azza wa Jal. فيقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد راجع عندهم ومشى. أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الدم لم أيأس ولم أجزع. والله أسأل أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولنهجه رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا، وقد رأيت أن أجعله في 13 بابا وخاتمة. إلدي حفظه الله تعالى كم جي فيكو سيت غونغرين سي بروباجي وكو لو فو سي بروباجي. جي ايمي إكريخ أن رابل بتيت كو الله سبحانه وتعالى fasse du bien avec ce rappel. Même, et c'est même, il n'y a pas le bénéfice, au moins, je me serai acquitté de mon devoir. Et je ne suis pas pessimiste. Et je demande Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait son dua, donc Allah, subhanahu wa ta'ala, que son acte soit sincère pour Allah, azza wa jal, qu'il soit ainsi, incha'Allah, et qu'il soit accepté min Allah, azza wa jal. Et il a dit, j'ai fait que ce travail, je l'ai fait en 13 chapitres, et j'ai fait et une conclusion. فيقول حفظه الله تعالى الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها. Il nous rappelle. Le livre va être une construction, une base pour nous, pour avoir des fondements. Premier chapitre, il nous rappelle cette base principale et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le but et la sagesse pour laquelle il a créé les humains et les génies et les anges. Thaniyan. الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها. Le deuxième chapitre c'est pour nous éclairer sur l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures. C'est quoi cette adoration? C'est quoi sa signification? Comment elle doit être faite? Et sur quelle voie elle doit être faite? Donc là c'est un deuxième fondement aussi. Vous voyez que les livres des hommes de la Sunna plus de la critique qui t'éclaire sur la voie et sur les erreurs. Plus de ça, tu acquiers avec les règles et les fondements sur lesquels tu dois marcher dans ta religion. Que tu dois maîtriser ces règles. Et il dit, le bab al-thalith anna rusulahum al-adillah 'ala Allah ta'ala. Si, c'est un point de maîtrise très important, ce troisième chapitre. Que les prophètes, alayhi salatu wa salam, ce sont eux qui orientent vers Allah, azza wa jal. Il est impossible à quelqu'un, de lui-même, de sa raison, de pouvoir prendre un chemin qui va lui amener vers Allah Azza wa Jalla. Il faut qu'il suive les messagers alayhi salatu wa salam. Donc ici, le suivi, quelque chose de très important. الباب الرابع في ضمانة النجاة. Le quatrième chapitre, comment être sauvé? Comment se garantir le fait d'être sauvé? Tous ces passages sont très importants. الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم الى الله. Le cinquième point est très important parce que c'est l'éclaircissement sur la voie des messagers alayhi salatu wa salam dans la façon de faire da'wa. C'est-à-dire que ce point-là, tu regardes les autres groupes, tu les amènes là. Est-ce que ce qu'a cité cher ici, dans l'éclaircissement de la voie des messagers alayhi salatu wa salam dans le da'wa, ce que font les groupes qu'il y a sur le terrain, est-ce qu'ils correspondent? Là, ils ne correspondent pas. Bah, tant qu'ils correspondent, bien wa ni'mat. Si ça ne correspond pas, ça veut dire que ce n'est pas un bien, et ça ne peut pas être un bien. Une voie qui n'est pas la même que la voie des prophètes, alayhi salatu wa sallam, n'est pas une bonne voie. C'est impossible. Impossible. L'impasse. Tu as tout le panneau. Là, tu as une voie rouge. Impasse. Plus de sac. Non, il n'y a rien. Tu peux arriver à rien. Le bab sadis fi bayan anna l'inhiraf an nahj ar-rusul tarku l-sirat al-mustaqim alladhi amara Allah bi-ittiba'i. Dans le cinquième, il te montre c'est quoi la voie d'el da'wa ila Allah. Et dans le sixième, il te montre que le fait de dévier. Regarde, cette façon et cette clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné aux hommes de science de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il t'éclaire ici sur le fait que si tu divises de la voie du messager alayhi salatu wa sallam, t'as laissé la rectitude, la voie droite. Cette voie que tu demandes dans toutes tes prières, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Dans chaque rak'at, tu le fais, il est obligatoire pour toi que tu fasses ce dua. Parce que le Fatiha est un pilier pour la prière. Donc, et que le fait, et ici, cher, il t'éclaire sur, dans le sixième chapitre, que le fait de dévier de la voie des prophètes, alayhi salatu wa sallam, bah, tu n'es plus tu ne seras plus, tu n'auras plus cette demande que tu fais à Allah Azza wa Jal d'être sur Sirat al-Mustaqim, sur la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de son bienfait. Al-Babu Sabi' Ahuna. Kul hada, tous les six points, les six chapitres, sont en quelque sorte pour te donner des règles, et des repères. Et après maintenant, il commence les détails. الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة. Le septième chapitre, c'est pour t'éclairer avec des preuves qui viennent min Allah et qui viennent du prophète عليه الصلاة والسلام. Comme quoi, le fait de se constituer en partie, c'est une innovation et ça ne fait pas partie de la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية. Le huitième chapitre, c'est le fait de nous montrer les erreurs et le mal et les inconvénients qu'il y a dans le fait de se constituer en groupe, dans le hizbiya, et d'être sectaire pour son groupe. Et ceci est très important, parce que les hommes de science, eux, ils savent où il est le mal qu'il y a dans le sectarisme. Ils savent où ça amène. Ils savent lire entre les lignes. Et déchiffrer le nom dit, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le bab tasi' fi bayan man tuqida 'ala al-ikhwa al-muslimin. Le neuvième chapitre, il te montre les critiques qu'il y a contre les frères musulmans. Là, les frères mouflisoun. Le bab al-ashir fi bayan man tuqida 'ala jama'at tabligh. Le dixième chapitre, il te montre toutes les critiques concernant jama'at tabligh. Et les critiques, que ce soit pour l'Ikhwan ou pour Tibliq, ils concernent l'Aqida, ils concernent le Minhaj, ils concernent les adorations, ils concernent beaucoup de choses. Comme l'a dit Cheikh Rabi en faisant l'éloge, il a cité 25 erreurs à chaque groupe. Le bab al-hadi ashar, fi bayan wujub sayr ala Minhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi da'wati ila Allah wa ghayriha. Regardez comment les passages sont constructifs les uns derrière les autres. Après les fondements, après qu'il nous a éclairé sur la voie, après nous avoir montré le mal, d'y aller le fait, d'y aller le hizbiya, d'y aller le sectarisme, après avoir montré les points qui ne vont pas et chez les uns et chez les autres comme Tabligh et l'Ikhwan, maintenant le onzième, il nous rappelle à quelque chose de très important, qu'il est obligatoire de suivre la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Donc, dawa, et dans autre chose, et dans tous les sujets de la religion. Et le douzième point, le bab tani achar, le douzième chapitre, fi dammi al-bid'a wal-mubtadi'in. Et le douzième chapitre concerne le fait, le blâme qu'ont les innovateurs, et le blâme de l'innovation, et le mal de l'innovation, et le blâme, etc. Le mal de l'innovation et des innovateurs. الباب الثالث عشر فيه بيان ثواب من تمسك بالسنة. Et le douzième point, il te montre la récompense. Et le degré qu'a celui qui se cramponne à la sunna. Ben regarde, ce style comment il est. Et c'est ordre. Et c'est ainsi chez les hommes de science. C'est ainsi chez ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde. Il leur a donné la clairvoyance et l'héritage de Mishazi alayhi sallatu salam. Ils savent t'amener au but par le plus court chemin et t'éclairer sur les situations par le plus clair des langages. Et à la fin, il a réservé une conclusion et il a dit avec cette conclusion, il termine son livre. فنبدأ في الباب الأول. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. Le premier chapitre, éclaircissement sur la sagesse et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains et pour lequel il a créé l'univers tout entier. يقول حفظه الله تعالى سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما فما هو هذا السؤال وما هي الإجابة. Il dit, Havidallahu ta'ala, il y a une question qui se pose toujours aux esprits des gens et qui a besoin d'une réponse, toujours. C'est quoi cette question et c'est quoi la réponse? يلجي حفظه الله تعالى. السؤال هو لماذا خلق الله الإنسان؟ ما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها؟ والنهاية التي سيصل إليها؟ يلجي لك استيون سي pourquoi الله il a créé l'humain. Quel est le but de la création de l'homme? Et c'est quoi le but vers lequel il va? Et c'est quoi sa fin, la fin vers laquelle il va arriver? Ça, c'est la question. والجواب من عند الشيخ حفظه الله تعالى هذا السؤال قد ضلت في الإجابة عليه العقول وتحيرت فيه الفهوم وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق فضلا عن غوغاء الناس لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله. Il dit la réponse, حفظه الله تعالى. Cette question, beaucoup se sont égarés dans sa réponse. Beaucoup de raisons humaines se sont égarées. Beaucoup ont été troublés. Ils étaient hésitants. Ils n'ont pas trouvé la réponse. Les philosophes, les connaisseurs, les sages, les savants, les génies comme ils disent, ceux qui ont les degrés intellectuels très élevés, très élevés, et le commun, Hada, n'en parle pas, il te parle des élites, parmi les sages, les penseurs, les philosophes, les savants, etc. Alors que le Gawra Msakenba, il dit exception faite aux raisons qui ont été dirigées et guidées par la révélation d'Allah Azza wa Jal et qui ont été guidées par Allah Azza wa Jal, qui ont suivi les messagers alayhi salatu wa salam, c'est eux seuls qui connaissent la réponse à cette question. Parce qu'ils l'ont reçu d'Allah et de ses messagers. C'est les seuls. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن يفرد بعلم العقيدة لأنه علم يرتبط بالغيبيات والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ضل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصورا وتصور تصورا غريبا. Il dit partant de là on sait avec certitude que la raison ne peut pas prendre l'indépendance dans la connaissance des croyances. Car la connaissance des croyances est une science qui a rapport avec l'invisible. Et quand les raisons humaines parlent dans l'invisible, ils ramènent des catastrophes. Quand la raison d'une idée de la révélation parle et desserte sur ce qui est invisible, ben, ils ramènent que des catastrophes. Il ramène que des situations qui n'en sont pas et des voies qui n'en sont pas. Parce que c'est impossible qu'une raison qui ne s'appuie pas sur la révélation puisse parler de l'invisible ou des choses de l'invisible. Parce que les choses de l'invisible, ils ne sont que dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils sont ce qu'a cité Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'a cité Rasul sallallahu alayhi wa sallam parmi l'invisible qu'il a fait connaître à sa communauté. ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة قال تعالى أومن كان ميتا في ظلمات الجهل والكفر والمعاصي أي قبل الهداية أومن كان ميتا فأحييناه أي بالعلم بنور العلم وبالإيمان وجعلنا له نورا أي يمشي بين الناس يمشي متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير ومؤثرا له وعارفا للشر ومجتنبا له وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوون أبدا. Pourquoi tout ça? Parce que la raison humaine, ce n'est qu'un outil de l'imagination. Il imagine les choses. Il imagine. Ah, les données qui lui arrivent, il se les imagine. Comment lui arrivent ces données? Il lui arrive par les différents membres, les yeux, les oreilles, etc. Et quand la raison dépasse sa limite, et dépasse ce qui l'entoure et ce qu'il voit, et ce qui ne parle pas par les membres, par les autres membres, et qu'il dépasse cette limite-là, la vue, ce qu'il entend, etc., ce qui a été entendu, etc., ou là, ce qui est senti par la langue, etc., bah, quand il essaye de disserter sur des choses qu'il n'a pas vues, que la langue n'a pas senti, ou que là, aucun membre n'a senti, bah, il ramène que des catastrophes. Il ramène que des catastrophes. Il part dans le fond des ténèbres. Et de cher de nous citer cette citation dans Sourate Al-An'am, il dit, est-ce que celui qui était mort, c'est-à-dire il était mort dans quoi? Il était mort parce qu'avant la guidée, il était dans les ténèbres de l'ignorance et de la mécréance et de la désobéissance. Fahyaynahu, et nous l'avons fait vivre. Vivre avec quoi? Il est vivant, la vie de l'autre vie, la vie animale, il était. Mais nous l'avons fait revivre avec quoi? Avec la lumière de la science et de la foi, la réelle vie. Et nous lui avons donné une lumière. C'est quoi cette lumière? Avec cette lumière, il voit le bien, il le fait. Il a compris ce que c'est que le bien, il a su ce que c'est que le bien de la révélation, il met en application les ordres, il s'abstient des interdits. Il laisse le mal de côté et il accourt vers le bien. Et nous lui avons fait une lumière avec laquelle il marche entre les gens. Est-ce que celui-là est égal à celui qui patauge dans les ténèbres? Impossible. Il ne peut pas en sortir. Pourquoi il ne peut pas en sortir? Parce qu'il lui faut la guider. Il lui faut la foi, il faut la science de la révélation pour pouvoir sortir de ces ténèbres, de ne plus patauger et de ne plus fondre dans ces ténèbres. نعم بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهداته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذو القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والألطاف الخفية. قال تعالى أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يهدي لهم أي الذين سلكوا مسلكهم لا يرون الذين سلكوا نفس المسلك أي المسلك لإعراض عن الله وعن دين الله عز وجل من قبلهم يشاهدون ما جرى لهم وما بقي من مآثرهم كقوم هود وصالح وغيرهم وهذه آيات لمن يسمع وكذلك الله سبحانه وتعالى يأتي بالماء على الأرض التي ليس فيها نبات فتنبت دونك الشيخ دو نو دير سيرت. Il est possible à la raison de prendre des preuves de ce qu'il voit, de prendre des preuves pour prouver la grandeur d'Allah, Azza wa Jal, et pour savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui lui donne la subsistance, il est l'unique, il est le seul duquel ils peuvent avoir ce qu'ils ont besoin, etc., qu'il n'a pas engendré, qu'il n'a pas été engendré, qu'il n'a pas d'aide, et qu'il a la puissance au sens large du terme, comme il sait à sa grandeur et à sa majesté, et qu'il a la sagesse, le somme de la sagesse, comme il sait à sa grandeur, et que sa sagesse n'a ni de limite, ni de début, ni de fin, sa science n'a pas de début, n'a pas de fin, c'est une science complète, et il a beaucoup de bienfaits. Et Cheikh de nous citer ce verset qui dit « Ne voit-il pas ceux qui ont pris le même chemin qu'eux parmi les générations qui sont passées et les peuples qui sont passés hein? Comme le peuple de Houd, de Saleh, etc. Hein? Alors qu'eux, ils voient ce qui reste d'eux après les châtiments qu'ils ont reçus. Hein? Ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Mohammed alayhi salatu wasalam. Nous voyons ce qui est arrivé au peuple de Houd et de Saleh. Ça doit être un signe pour eux. N'entendent-ils pas? Est-ce qu'ils n'entendent pas? Est-ce qu'ils ne voient pas que Allah subhanahu wa ta'ala descend de l'eau, du ciel sur une terre qui ne fait rien pousser, une terre aride? Et après, cette terre qui est aride, il y a les cultures qui sortent de cette terre. De ces cultures vont manger et les bestiaux, et les animaux, et les humains eux-mêmes. Et dans cela, il y a un signe. Donc, il y a des interprétations dans le Coran qui peuvent faire marcher la raison, le fait de reconnaître la grandeur d'Allah, Azza wa Jal, hein, et la puissance d'Allah, Azza wa Jal. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال بمعرفة الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله عز وجل خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا وَمَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Donc si tu sais que la raison est incapable de prendre l'indépendance pour connaître la sagesse et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, il faut que tu ailles chercher cette connaissance hein, dans le livre d'Allah, Zawajal, dans lequel le faux ne s'immisce pas, qui est des sommes d'Allah, Zawajal, qui est une révélation de Allah, Zawajal, à son messager, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce livre dans sourate Al-An'am. Et il a dit, nous n'avons rien négligé dans le livre. Rien. Et c'est le livre. Il y a deux significations en termes de ce passage. C'est soit le livre, l'Awh al-Mahfoud, dans lequel il y a tout. Soit c'est aussi une certaine signification. Il dit que c'est ce Coran qui est descendu aussi dans lequel il y a un éclaircissement sur tout. Parce que dans un autre verset, il est dit « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِ شَيْءٍ » Nous t'avons descendu les livres dont il y a l'éclaircissement pour toute chose. Hein? Donc les deux significations vont de pair chez Salaf Ardouallah alayhi. بَيَّنَ حِكَمًا وَأَحْكَامًا هِيَ أَقَلُّ شَأْنًا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ كَيْفَ لَا وَهُوَ أَهَمُّ الْمُهِمَّاتِ وَأَعْظَمُ الْوَاجِبَاتِ إِذًا فَالْحِكْمَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ مِنْ أَجْلِهَا هِيَ الْعِبَادَةُ قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre a montré les sagesses et les buts ainsi que les lois qui sont encore à une situation moindre que ce but principal pour lequel il a créé hein, les humains qui est l'adoration d'Allah azza wa jalla. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette citation, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer, pour m'unifier, pour me réserver leur culte. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس للعبادة فالعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسن الأحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Donc الله سبحانه وتعالى nous a annoncé dans ce verset, qu'il a créé les génies et les humains pour lui réserver le culte, exclusivement. Donc, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal, c'est le but pour lequel, et la sagesse pour laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé les génies et les humains. Et pour ce but, il a créé les cieux et la terre. Pour ce but, qui le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, a créé ce bas monde, a créé le delà, a créé le paradis, a créé l'enfer, et pour ce but qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jalla, il a envoyé les messagers alayhi salatu wa salam, il a descendu les livres, il a fait des lois, il a décrété des lois, il a montré ce que c'est, ce qui est licite, ce qui est illicite, pour vous éprouver qui va faire la bonne œuvre. Pour nous éprouver, qui va faire, qui va accomplir la bonne œuvre. Dans une citation dans Surat al-Mulk, celui qui a créé la mort et la vie, pour vous éprouver, qui fera la bonne œuvre. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. Parce que Allah سبحانه وتعالى a créé ses serviteurs et les a sortis à ce bas monde. Il leur a annoncé qu'ils vont voyager, ils vont aller après dans une autre maison. Il les a sortis dans ce bas monde, hein, ce bas monde qui est dunya, et qu'il leur a dit, vous n'êtes pas éternel ici, c'est un passage, vous allez vers une autre maison qui est l'éternité. Et dans ce bas monde, il leur a ordonné, il leur a interdit des choses, il les a éprouvés avec les plaisirs, il les a éprouvés avec les oppositions. Le fait de s'opposer à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et aux interdits d'Allah Azza wa Jal, et celui qui se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense au mieux, dans le delà. Et celui qui part avec ses plaisirs et ses désirs, et qui laisse l'ordre d'Allah Azza wa Jal de côté, et qui tombe dans les interdits d'Allah Azza wa Jal, il aura le châtiment min Allah Azza wa Jal. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة فهذا القسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Et donc les serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala tous les a créés pour l'adorer, mais il y a une certaine espèce parmi les serviteurs qui ont été créés pour l'adoration sans épreuve. Ils sentent qu'ils aient quelque chose de contraire à l'adoration. Inné, c'est naturel pour eux qu'ils adorent. Ils ne font que ça, adorer Allah Azza wa Jal. Ils n'ont rien qui les appelle au contraire de l'adoration, qui sont les anges. Pour les anges, l'adoration c'est quelque chose de naturel, de normal. Ils ne font que ça. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous parler des anges dans le Coran. Parce que les mécréants ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris un enfant et qu'il a pris des filles qui sont les anges. Donc ils leur répliquent. Ils ont dit que le Clément a pris un enfant, gloire à lui, mais ce sont des nobles serviteurs qui ne devancent pas la parole d'Allah azza wa jal, qui mettent en application les ordres d'Allah azza wa jal, hein, et qui ne disent rien, hein, avant Allah azza wa jal, ni ils ne font que mettre en application les ordres d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ils n'intercèdent que pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'après l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ils ont peur d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est les anges. Et eux, l'adoration pour eux, elle est normale. Ils ont été créés pour ça. Ils ont eu la capacité pour le faire. Ils n'ont rien, ils n'ont pas l'opposition. Ils n'ont pas été éprouvés par shahawat, par, etc. comme l'être humain. وَمِنْهُمْ مَنْ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ مَعَ ابْتِلَاءٍ بِمُضَادٍ كَالْجِنِّ وَالْإِنسَ الَّذِينَ جُبِلُوا عَلَى خَلَائِقٍ وَسَجَايَا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات، شهوة المطعم وشهوة المشرب وشهوة المنكح وشهوة القهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. Et parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ont été créés et éprouvés avec le contraire, on leur demande, il leur a été demandé l'adoration, mais ils sont éprouvés par qu'il est inné en eux le plaisir de désirer des choses, vouloir manger, vouloir commettre des péchés, être attiré par le péché, être attiré par l'adultère, être attiré par toutes sortes de boissons, pour toutes choses, être attiré par le fait de prendre les dessus sur les autres et d'écraser les autres. Ainsi de suite. Ça fait. Alors que les anges, eux, rien de tout ça. Inné en eux, tout à fait naturel, sont sur une nature qui est soumise à Allah Azza wa Jal. Alors que les êtres humains et les génies, non. Ils sont éprouvés. C'est en quelque sorte l'examen pour arriver à la récompense d'Allah Azza wa Jal. C'est un examen, c'est des épreuves pour arriver à tous ces plaisirs et tous ces appels à la désobéissance, à la débauche, etc. Ce ne sont que des épreuves. وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقي في قلوبهم الشكوك بإيمانهم بالغيب، وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم، ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبان آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان، لذلك كانت العبادة في حقهم ابتلاء واختبارا للدواعي المضادة لها. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés avec des mauvais compagnons aussi. Et avec les ambiguïtés aussi. Les ambiguïtés qui se jettent, qu'on leur jette par les mauvais compagnons, par les mauvaises du'at, etc. Ils leur jettent dans leur cœur pour leur amener des ambiguïtés et des doutes sur la foi ou l'invisible. Et plus de ça, l'épreuve avec Shaitan, Soumoudi min Allah Azza wa Jal, cet ennemi éternel qui est aux aguets, il attend. Il a sorti notre père Adam du paradis, il s'acharne à amener toute la descendance d'Adam avec lui dans la mécréance et dans l'associationnisme pour les et dans la perversité et la désobéissance et l'innovation pour les jeter au feu de l'enfer. C'est pour ça que l'adoration pour, en ce qui concerne les génies et les humains, c'est une épreuve pour eux. C'est un examen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'adoration, qui sont là, qui les appellent, qui les interpellent. Et en plus de ça, Shaitan, qui est le plus grand ennemi. Un ennemi que tu vois, c'est facile, mais un ennemi que tu ne vois pas. Certains donnent l'exemple à Shaitan. Ils te disent, nous avec Shaitan, c'est comme deux boxeurs du même gabarit. Et tu lui mets sur le ring, bien tu lui bandes les yeux. Et lorsque tu le laisses les yeux, il voit tout. Celui qui voit tout, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la droite, il l'allonge, il le met KO. La même chose avec Shaitan. Parce que lui, il nous voit et nous, on ne le voit pas. La seule chose pour nous protéger, c'est se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal. D'aller chercher refuge avec les invocations du matin, du soir, et de demander toujours la protection d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Shérizi, وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم. Et au-dessus de ça, l'épreuve avec Shaitan. Qui est un ennemi éternel. ويقول الشيخ حفظه الله فمن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار كما قال تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع رسوله والتمس حل الشبهات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح الله فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلى في جنات الفردوس. Donc quand celui qui répond et qui exauce l'appel de ces appels min al-shaytan et de ces appels vers la perversité et la désobéissance, il va être parmi les perdants, parmi ceux qui vont mériter le fait d'être châtiés en enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans cette citation dans Surat Sad, cette citation nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a vérité je dis. Il fait le serment avec la vérité. je vais remplir Jahannam, c'est-à-dire l'enfer, de toi et de tous ceux qui te suivent, tous. Tous ceux qui répondent à l'appel d'Yal Shaitan, ben ils vont être avec Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala va remplir avec Jahannam. Quant à celui qui met en avant l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et qui s'acharne à aller vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et qui suit le messager alayhi salatu salam, et qui cherche à dissiper le nuage des ambiguïtés par la législation d'Allah Azza wa Jal, et chaque fois qu'il a une ambiguïté, il va chercher sa solution, et dissiper son nuage par la parole d'Allah Azza wa Jal, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam, avec la compréhension du plus aïeul, hein, et celui qui utilise ses désirs dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Ceux-là, ce sont les croyants véridiques qui ont la promesse min Allah Azza wa Jal d'avoir des degrés très hauts dans les hautes sphères du paradis et notamment dans le Firdaus, hein, qui est le plus haut étage du paradis, dont le toit c'est le trône d'Allah Azza wa Jal. وأما الغاية التي يسعى لها في فهي تختلف باختلاف الناس وثقافتهم وعقائدهم فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومنفذ ومطية إلى الآخرة فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله إلى رضا ربه وجنته وتلك هي الغاية التي يسعى لها. كنت أبيت في لوكيل زكوخ. C'est différent. Comment les gens vont vers le but? Chacun est différent. Chacun selon sa situation. Il y a une différence entre les gens. Et cette différence est créée par leurs croyances, par leur culture. Celui qui connaît son Seigneur, et qui connaît le droit d'Allah Azza wa Jal, et qui croit en la rencontre min Allah Azza wa Jal, et qui connaît la valeur, la réelle valeur de ce bas monde, et que ce bas monde n'est qu'un passage pour aller vers la maison éternelle, et il a pris de ce bas monde des provisions qui vont l'amener à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et au paradis d'Allah Azza wa Jal, parce que ça c'est le but. C'est le but, c'est de prendre tout ce que tu peux de ce bas monde, des choses qui t'amènent l'agrément de Allah Azza wa Jal, pour avoir l'agrément de Allah Azza wa Jal, pour être agréé min Allah Azza wa Jal le jour de sa rencontre. Wa minhum man jahila dhalik wa lam ya'rif rabbahu wa lam yu'addi haqqahu wa lam yu'min bi liqa'ihi bal dhanna anna ad-dunya wa hayatuha wa laddatuha hiya al-ghaya fas'a laha wa radiya biha wa tama'anna ilayha wa shammara fi jam'iha wa afna 'umrahu fi laddatiha wa tilka hiya ghayatuhu allati yas'a ilayha. Et il y a d'autres aussi qui n'ont pas connu, qui sont ignorants de leur Seigneur. Ils n'ont pas connu leur Seigneur. Ils se sont pas acquittés des droits d'Allah Azza wa Jal. Ils ne croient pas en la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ils ont cru que ce bas monde, hein, c'est la vie. Que tout ce qu'il y a dans ce bas monde, c'est là les plaisirs, c'est ici. Et que le but principal, c'est la vie dans ce bas monde. Et il a accouru. Et il est content de ce bas monde, et il est qui est dans ce bas monde, il a fait tout son possible pour ramasser ce qui va lui donner du plaisir dans ce bas monde. Et toute sa vie, il l'a voué pour les plaisirs de ce bas monde. Et ça a été son but pour lequel il a œuvré. Hein? Contraire à l'autre. L'autre, son œuvre, il a pris de ce bas monde, il a utilisé ce bas monde pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et parce qu'il sait qu'il va rencontrer. Celui-là, c'est son contraire. Voilà. Qismoun. عمل للآخرة وقسم عمل للدنيا. Deux catégories. Une qui a fait des actes pour le delà, et une autre partie de l'humanité qui a fait des actes que pour ce bas monde. Ils se sont contentés de ce bas monde. ولقد تحدث القرآن الكريم عن القسمين وبين حال كل من الفريقين. فقال تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهؤلاء أهل الدنيا, هؤلاء رضوا بالدنيا واطمأنوا بها. هذا القسم. Et dans le Coran, il y a beaucoup de citations qui nous montrent les deux catégories de personnes. qui nous montre la situation des deux catégories de personnes. Ceux qui ont fait pour le delà et ceux qui ont fait pour ce bas monde. Donc tu prends cette situation et ceux qui ne croient pas en notre rencontre et qui ont agréé ce bas monde, ils sont qui sur ce bas monde, ils sont contents de ce bas monde, ils sont insouciants de nos signes, ceux-là, leur demeure va être l'enfer. Parce qu'ils ont fait. Et donc ceux-là, ce sont les gens, cette première catégorie, donc, qui agréent ce bas monde, qui font tout pour ce bas monde et qui ne connaissent ni Allah Azzawajal, ni croient en la rencontre d'Allah Azzawajal, etc. Tout leur but, tout leur souci, c'est d'avoir du plaisir sur ce bas monde. Aranna la al-qism al-thani, inna alladhina amanu wa amilu s-salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannati an-na'im da'wahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Maintenant la deuxième catégorie, celle qui a fait des œuvres pour le delà et qui croyaient à la rencontre min Allah Azza wa Jal et à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui ont cru et fait bonne œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala les guide avec la foi qu'ils ont vers des paradis sur lesquels coulent des fleuves. Et dans ces paradis, leur seul dua qui est là-bas, subhanakallahum. Il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus rien. Subhanakallahum. Et leur salut, salam. Des paroles dans lesquelles il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'injure, il n'y a rien que de la bonté. Et le dernier de leur dua, louange à Allah, Seigneur des mondes. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Qala Cheikh Sa'di, rahmatullahi alayhi, fi tafsir hadhihi al-aya, inna alladhina la yarjuna liqa'ana, ay la yatma'una bi liqa'i Allah, alladhi huwa akbar ma tami'a fihi at-tami'un, wa a'la ma ammalahu al-mu'ammilun, bal a'radu 'an dhalik. وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم فسعوا لها وانكبوا على شهواتها بأي طرق حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدروها فقد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها. شيخ سعدي رحمة الله عليه dans son تفسير ديال القرآن, il a dit concernant ce passage, et ceux qui ne croient pas en notre rencontre, dire ceux qui n'espèrent pas, qui n'ont pas envie de rencontrer Allah Azza wa Jal, et leur seul grand but, leur seule aspiration, et leur seul espoir, alors que le seul but, et le seul espoir, et le plus grand espoir qu'ont ceux qui sont doués de raison et qui sont croyants, c'est justement la rencontre min Allah Azza wa Jal. Mais ceux-là, dans ce passage, ils ont donné le dos à cette rencontre d'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas cet espoir. Ils ont agréé ce bas monde. Ils ont délaissé l'akhir. Ils ont agréé le bas monde, ils ont laissé de côté l'akhir. وَطْمَأَنُّوا بِهَا ils y... Ce bas monde, ils sont contents de ce bas monde. Ils ont fait que ce bas monde soit leur but. Et que ce soit leur fin et leur but. Et ils ont utilisé tout pour arriver à assouvir leur désir dans ce bas monde. Par n'importe quel moyen. N'importe quel moyen. Ils ont utilisé tous les moyens qu'ils avaient, et n'importe quel soit le moyen, licite ou pas licite, leur intention, leurs pensées, leurs actes, tous pour assouvir leurs besoins dans ce bas monde. يقول الشيخ حفظه الله رحمة الله عليه فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية والنفسية. Donc, et Cheikh Saadi de continuer de dire dans ce passage, comme s'ils sont créés pour rester éternellement dans ce bas monde. Comme si ce bas monde, ce n'est pas tout simplement un pont, ou là, une traversée d'un voyage, vers le delà, un pont vers le delà, et un passage vers le delà. Là, pour eux, c'est l'éternité, c'est que tout se passe ici, et rien, il n'y a plus de delà. car ils ont oublié cet au-delà dans lequel aspirent ceux qui croient en Allah Azza wa Jal, ils aspirent en l'agrément d'Allah Azza wa Jal et les bienfaits dans cet au-delà. Et pour cet au-delà et pour les bienfaits qu'il y a dans le-delà, ont retroussé leur manche ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Et il dit, ceux qui sont de nos signes, insouciants de nos signes. Ça veut dire que les signes d'Allah, Zawajal, ne leur sont pas bénéfiques. Que ce soit le Coran, ou que ce soit les signes dans l'univers. Ou là, en eux-mêmes, gars, ils ne leur sont pas bénéfiques. Quloubuhum maqfoula. والذين هم عن آياتنا غافلون قلوبهم مقفولة عليها أغلاف لا ينتفعون بما يتلى عليهم ولا بما يتلون ولا ينتفعون بالآيات الآفاقية الكونية من أنهار وسماوات وجبال ولا يتأملون في أنفسهم كيف خلقوا وما يتفكرون في هذا الخلق العجيب هذا المخلوق من ماء مهين ويخرج مخلوقا حيا سميعا بصيرا يفكر ويتكلم ويأكل ويشرب ويتزوج ويلد ويبقى حياة طويلة 60 أو 70 أو أكثر أو أقل هذا الآدمي أما يتفكر في نفسه. Donc, et ceux qui sont de nos signes sont insouciants de nos signes, c'est-à-dire que leurs cœurs sont cadenassés. Il y a des couvertures, des voiles sur leur cœur. Ils ne prennent aucune leçon des signes d'Allah Azza wa Jal dans l'univers, ni des versets qu'ils récitent. Rien ne leur est bénéfique. Ni l'horizon qu'ils voient, ni ces cieux, ces terres, ces mers, etc. Ils méditent même pas sur eux-mêmes. Comment ils ont été créés? Ils ne pensent même pas, ils ne méditent même pas sur les étapes par lesquelles est passé cet être humain, qui est passé d'une goutte d'eau, d'un liquide, pour devenir cet être humain qui prend tête à Allah, Azza wa Jal, et qui se détourne des lois d'Allah, Azza wa Jal, et qui reste dans ce bas monde 60 ans, 70 ans, etc. وإذا تأملنا إلى الآلات التي يصنع الآدمي ترى أنها تحتاج إلى وقود وإذا انتهى الوقود توقفت وتتعطل فيها بعض الأشياء وتخرب لكن انظر إلى صنع الله الذي أتقن كل شيء كيف خلق الله هذا الآدمي كيف خلق هذا الكون أما يتفكر الإنسان في نفسه في أعضائه ولحمه ودمه والله لو تفكر الإنسان في نفسه حق التفكر لانبهر. Et quand on médite sur les machines, que crée l'être humain maintenant? Ces machines ont besoin de batteries, ou là ont besoin d'essence, ou là de gasoil, ont besoin d'énergie pour les faire marcher. Et quand cette énergie se termine, la machine ne bouge plus. La machine tombe en panne. Il y a des morceaux qui tombent en panne, etc. Il faut changer cela, ceci, cela. Et plus il vieillit, plus son rendement il est moindre. Mais quand tu regardes la création d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait à la perfection toute chose, où tu vois cet univers comment il est, la perfection dans cet univers, le réglage comment il est, et que toute chose arrive à son temps, et comme il se doit. Et quand tu regardes comment cet être humain a été créé aussi, nous devons méditer sur la création de l'être humain, sur ses membres, sur sa chair, sur son sang, car si l'être humain réellement fait une méditation sur lui-même, il va être ébahi. علم الأحياء هذا العلم الذي يدرس خصائص الإنسان وأعضائه من تعمق في هذا العلم طاش عقله مما يطلع عليه من الأسرار والخفايا والآيات والمعجزات في داخل هذا الجسم الصغير فكيف بالسماوات والأرض وربنا يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. Donc cette science qui s'occupe de l'étude des particules de l'être humain et de ses membres. Ceux qui vont en profondeur dans cette science, leur raison, il est troublé par la perfection et par les secrets qu'ils découvrent dans le fonctionnement des membres de l'être humain. Et ceci, c'est un signe min Allah Azza wa Jal. Il y a des défis dans l'être humain pour l'humanité. Ce petit corps, celui qui va au fin fond et qui l'étudie réellement au fin fond, fait une étude profonde dessus, il est ébahi devant la grandeur, devant la création d'Allah Azza wa Jal. Comment il en est maintenant des cieux et de la terre? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la création des cieux et de la terre est beaucoup plus énorme que la création des gens. Plus énorme que la création des gens. فهؤلاء الكفار الملاحدة لا يتفكرون ولا ينتفعون لا بالآيات الشرعية ولا بالآيات الآفاقية ولا بالآيات النفسية حتى في أنفسهم ما يتفكرون. Et donc les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, et ceux qui ne sont pas sur la sur le monothéisme, ils ne méditent pas. Les signes d'Allah Azza wa Jal en eux, ni dans l'univers, ne leur sont pas bénéfiques. Ils passent à côté. Ils ne méditent pas même sur eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas. والإعراض عن الدليل يقول الشيخ السعدي رحمه الله عليه والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود أولئك الذين هذا وصفهم الذين أعرضوا عن آيات الله مأواهم النار أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك والمعاصي فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الشيخ سعدي attire l'attention dire celui qui se détourne de la preuve si obligatoire qu'il soit détourné de la chose sur laquelle il est prise comme preuve. Ceci est une preuve sur ça. Il est évident que si tu ne prends pas la preuve, ben tu n'arrives pas au but de la preuve. Tu es détourné. Et il dit, ceux qui ont été décrits ainsi, c'est-à-dire ceux qui sont insouciants des signes d'Allah, azzawajal, qui ont été décrits par ce terme, comme quoi ils sont insouciants des signes d'Allah, azzawajal, cela leur demeure, c'est quoi? L'enfer. Pourquoi? C'est leur demeure éternelle. Ils ne vont pas sortir de cette demeure. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné par leur mécréance et par leur associationnisme et par leur désobéissance. Et comme il a parlé de leur, comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de leur châtiment, après il a cité quoi? La récompense de ceux qui ont obéi à Allah azza wa jal. Et il a dit ceux qui ont cru et fait bonne œuvre. Ay jama'u bayn al-iman والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة ماذا يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب ما معهم من الإيمان يتيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية ويهديهم للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم ولهذا قال تعالى تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم أضافها الله إلى النعيم لشمالها على النعيم التام نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المجشيات المشجيات والنظرات المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. Et donc après de nous avoir cité, après que Allah subhanahu wa ta'ala a cité le châtiment de ceux qui se détournent des signes d'Allah azza wa jal, il cite les récompenses de ceux qui lui ont obéi et de ceux qui ont cru et fait bonne œuvre. C'est-à-dire ils ont réuni, comme dit Shadi ici, rahmatullah alayh, entre la foi et le fait d'accomplir les obligations d'Allah azza wa jal, et ils ont accompli ce que leur ordonne cette foi parmi les bonnes œuvres qui contiennent et les œuvres du cœur et les œuvres du membre, en faisant tout ceci avec sincérité et suivi. Les deux piliers principaux, faire l'acte pour Allah Azza wa Jal et dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qui leur arrive? Allah subhanahu wa ta'ala les guide avec leur foi. À cause de la foi, dit Shadi, à cause de la foi qu'ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense encore plus avec la guidée. Et il leur apprend ce qu'il va alors être bénéfique. Et il les comble d'accomplir des œuvres, des bonnes œuvres, qui les amènent à la guider. et qui les amène à regarder les signes d'Allah Azza wa Jal et à méditer sur ces signes. Et il les guide dans ce bas monde sur la voie, qu'ils soient sur la voie droite et dans la maison de la récompense. Et il les guide sur le chemin qui va les amener au jardin des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, où ils vont être comblés des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, dit Sa'di rahmatullah alayhi, dit, coule en dessous d'eux des fleuves qui coulent éternellement dans ces paradis où ils sont de bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces paradis, que Na'im, que les paradis sont attribués à Na'im, au bienfait. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le bienfait complet. Le bienfait du cœur, le bienfait, la réjouissance complète, le fait de voir Ar-Rahman, de voir Allah Azza wa Jal, d'entendre sa parole, le fait d'être agréé min Allah Azza wa Jal, d'être proche de lui et d'être proche des frères et de ceux qu'il a aimés et de ceux qu'il aime, et le fait de profiter de la réunion avec eux et d'entendre des voix hein, et des mélodies hein, et de regarder des choses qui réjouissent et le corps et le cœur et aussi l'abondance et la diversité des boissons et de la bouffe et des plaisirs sexuels et toutes choses qu'aucune personne ne sait pas, aucun cœur ne peut sentir, ne peut imaginer, aucun oreille n'a entendu. Et des choses que personne ne peut décrire. Fa takallama al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayh qal i'radu 'an al-dalil mustalzim lil-i'rad 'an al-madlul fa hum idhan إذ أعرضوا عن الأدلة وعن الآيات يلزم من ذلك أن يعرضوا عن رب العالمين سبحانه وتعالى التي هي دلائل عليه. سعدي رحمة الله عليه dans cette interprétation de ce verset, il dit, le fait de détourner de la preuve, cela implique que tu dois, que tu sois détourné. Puisque tu es détourné de la preuve, il dit, signe d'Allah Azza wa Jal, cela implique que tu sois détourné d'Allah Azza wa Jal. Car ce que ces preuves sont, t'orientent vers Allah Azza wa Jal. Tu les as mis de côté, donc tu n'as plus de quoi t'orienter vers Allah Azza wa Jal. فَبِإِعْرَادِهِمْ عَنِ الدَّلِيلِ هَلْ سَيَصِلُونَ إِلَى الْمَدْلُولِ أَبَدًا مَنْ تَرَقَ الطَّرِيقِ إِلَى أَخٍ وَأَخَذَ الطَّرِيقِ إِلَى بَارِزٍ. هل يصل إلى بارز ولن يصل إلى أخٍ فبمجرد الخطأ لا يمكن أن يصل. فالإعراض عن الدليل يستلزم الإعراض عن المدلول وتضييع المدلول. كيف يمكنهم الوصول إلى الله عز وجل وهم أعرضوا عن آياته وعن أدلته. Donc le fait, tu veux arriver à Khin, il faut que tu prennes le chemin vers le nord, pour que tu ailles vers le nord, vers l'Allemagne. Mais si tu prends vers le sud, tu vas arriver à Paris, tu n'arriveras pas à Khin. Donc c'est impossible. Il faut que tu prennes la bonne orientation. Ils se sont détournés des preuves d'Allah Azza wa Jal. Ils disent, signe d'Allah Azza wa Jal, comment ils peuvent arriver vers Allah Azza wa Jal? C'est impossible qu'ils puissent arriver vers Allah Azza wa Jal parce que ils ont donné les points qui vont les orienter, ils leur ont donné le dos, ils les ont laissés de côté. ويقول الشيخ ناصر رحمة الله عليه السعدي رحمه الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم أي عبادتهم فيها لله أولها تسبيح وتنزيه له عن النقائص وآخرها تحميد لله فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة أما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام كلام سالم من اللغو والإثم وموصوف بأنه سلام وآخر دعواهم إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين فما أطيب هذا العيش والله أكبر. Donc leur dua là-bas, c'est subhanakallahum. C'est-à-dire leur adoration là-bas, ce ne sont que des glorifications et le fait de reconnaître les grandeurs d'Allah Azza wa Jal. Et la fin de leur dua là-bas, donc ça c'est leur adoration là-bas. La fin de cette adoration, c'est alhamdulillah. Subhanakallahum, alhamdulillah. Donc, les obligations, il n'y a plus d'obligations là-bas. Dans la maison de la récompense, il n'y a plus d'obligations. Il leur reste le somme des plaisirs. Et quelque chose qui est encore plus importante que la boisson et que la bouffe, c'est l'invocation d'Allah, Azza wa Jal, avec laquelle les cœurs sont apaisés et les âmes sont réjouies. Et cette glorification, cette invocation d'Allah, Azza wa Jal, ils la font sans qu'il leur soit imposé. Si inné, ça sort tout seul. Il n'y a plus de difficultés. Et leur salut, quand ils se rencontrent entre eux ou quand ils se visitent, salam. C'est-à-dire des paroles dans lesquelles il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'injure. Il n'y a pas de péché. Et il est décrit qu'on est en salam. Salam. Et la fin de leur dua, la louange est à Allah, Seigneur des mondes. Regarde comment cette vie, cette noble vie et cette bonne vie que vont hériter ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui ont compris que le but pour lequel ils sont créés, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب فالمؤمن الخالص يسعى للآخرة فقط فهو وإن باشر الدنيا ببدنه وحرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآخرة كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والكافر الخالص يسعى للدنيا فقط لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه. Donc, partant de là, Cheikh de nous dire, Cheikh Ahmed Najmi Hafidhahullah Ta'ala, nous dire que les buts pour lesquels accourent et vers lesquels œuvrent les créatures sont différentes, cela selon ce qu'il y a dans le cœur des personnes, selon la science ou l'ignorance qu'il y a dans le cœur de la personne, selon la foi ou la mécréance qui remplit le cœur de la personne, selon le fait d'avoir pris comme véridique les messagers alayhi salatu salam et Allah Azza wa Jal, d'avoir démenti les messagers alayhi salatu salam et d'avoir démenti Allah Azza wa Jal. Donc le croyant pur, il œuvre pour le delà, tout simplement. Même si il œuvre dans ce bas monde, il utilise les moyens pour chercher sa subsistance, etc. Mais son cœur, il est attaché à l'au-delà. Avec son corps, il fait les choses qu'il doit faire pour... Il utilise les moyens pour arriver à sa subsistance. Mais son cœur est attaché à l'au-delà. Son cœur veut l'au-delà. Donc, son cœur, le cœur du croyant sincère, il est attaché pour l'au-delà, malgré qu'il œuvre dans ce bas monde, qu'il commerce, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous fait cette citation, celui qui veut l'au-delà, et qui s'est confirmé au livre et à la sunna, c'est-à-dire il a utilisé les moyens pour arriver à l'au-delà, qui sont la parole d'Allah, Azza wa Jal, l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il a oublié Allah et à son message, alayhi sallallahu alayhi sallam, alors en étant croyant, cela, son accourement et les efforts qu'il a faits sont acceptés de lui. Parce qu'il est croyant et parce qu'il a fait des actes dans le bon sens. Sincère pour Allah, Azza wa Jal, dans le suivi de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quant au mécréant pur qui accourt pour ce bas monde, il ne croit ni en Allah, ni en le-delà, mais il croit qu'en ce bas monde, celui-là, il est pour ce bas monde. Et à la fin, ça, c'est son but. Et donc, les buts des gens sont différents. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette citation de ce mécréant. Il dit, celui qui veut ce bas monde, celle qui part très vite, qui va être terminée, c'est-à-dire l'ajila, nous donnons à qui on veut. C'est-à-dire, tout un chacun qui demande ce bas monde, il l'a pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Même s'il le demande, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas. Même s'il utilise les moyens pour un, Il suppose que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas, il sera perdant dans ce bas monde et dans le delà. Donc là, il dit, nous donnons à qui on veut. Et ne faisons que Jahannam lui soit sa demeure, dans laquelle il va recevoir le blâme. Pourquoi? Parce que il ne s'est pas conformé aux lois d'Allah Azza wa Jal. Quant aux musulmans désobéissants, il est pour les choses qui sont la majorité dans sa vie. Des fois, c'est le bien qui le tire. Des fois, c'est le mal qui le tire. Il est entre les deux. Hein? Donc on a le croyant pur qui œuvre pour l'au-delà, pour cette maison éternelle dans laquelle il n'y a plus d'obligation, à part le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, hein, et ceci est naturel, ça sort tout seul, hein, sans difficulté, hein. Et la bonne vie là-bas, et il y en a l'autre, celui qui ne croit en rien, et qui veut que ce bas monde, peut-être qu'il aura ce bas monde, peut-être qu'il ne l'aura pas, mais à la fin, le châtiment et le blâme. Et il y a aussi le musulman désobéissant, ben des fois il est dans le bien, et des fois il est dans le mal. Il est tiré entre les deux. وَأَمَّا النِّهَايَةُ الَّتِي سَيَصِلُ إِلَيْهَا فَهِيَ الدَّارُ الْآخِرَةُ إِمَّا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا وَإِمَّا فِي النَّارِ أَبَدًا. À la fin de l'être humain, le but de l'être humain, le but final de l'être humain, et son terminus, c'est le delà. Soit au paradis éternellement, soit en enfer éternellement. Le paradis éternellement pour les croyants purs, et l'enfer éternellement pour les mécréants purs. Il est évident, parmi les unificateurs, il y a certains qui vont être châtiés, hein, par justice minallah azza wa jal, pour les péchés, pour les désobéissances qu'ils ont eues. Et après, ils vont quitter le châtiment de l'enfer et l'enfer pour revenir vers le paradis. Hein. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أي أن الإنسان كادح لله سبحانه وتعالى عامل بالخير أو بالشر فهو ماشي إلى الله إما عامل بالخير أو عامل بالشر إما هو ممتثل للأوامر أو معرض عن أوامر الله سبحانه وتعالى ثم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيكون الجزاء أو العقاب. الجزاء لمن أحسن والعقاب لمن أساء. فالذي أوتي كتابه يوم لقاء الله بيمينه هذا يكون حسابه يسير وينقلب إلى أهله في الجنة مسرور. وأما الذي أوتي كتابه وراء ظهره فسيدعو ثبورا ويصلى سعيرا أي من الخز وما يجد في كتابه. سيدعو الثبور من الخز الذي يجد في كتاب أعماله وما عمله في هذه وما قدمه في هذه الدنيا ولم يتب منها. الله سبحانه وتعالى ندد لإتر humain ainsi. Cette citation dans sourate l'Inshiqaq dit: Ô être humain, tu accours vers Allah Azza wa Jal. Aucun problème, tu marches. Alors, ce cadre fait d'accourir vers Allah Azza wa Jal, soit en œuvrant dans le bien, soit en œuvrant dans le mal. Soit tu es soumis à Allah, soit tu es désobéissant à Allah Azza wa Jal, soit tu donnes le dos aux obligations d'Allah Azza wa Jal. Et tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. Et donc, à la rencontre, soit la récompense, soit le châtiment. Hein? Celui qui a son livre le jour de la résurrection avec la droite, celui-là, ses comptes vont être faits facilement. Hein? Il va retourner vers les siens au paradis, content et réjoui. Mais quant à celui qui va avoir son livre derrière son dos, celui-là, il va appeler Thobor, c'est-à-dire, il va trouver la malédiction dans ses actes, la malédiction dans son livre, il va retrouver tout le mal qu'il a fait dans ses livres. Toutes ses mauvaises œuvres qu'il a fait, il ne s'est pas repenté de ses livres, de ses œuvres, il va les retrouver devant lui. Donc ainsi les humains dans ce bas monde. Les croyants œuvrent vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal et s'acquittent de leurs devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et adorent et réservent leur culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et suivent les messagers alayhi salatu wa salam. Et de l'autre côté, ceux qui donnent le dos aux ordres d'Allah Azza wa Jal au signe d'Allah Azza wa Jal, qui démontre les messagers, il montre là, chacun son but. Mais le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité, c'est le fait de réserver le culte exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est dans le premier chapitre, c'est ce qu'a voulu nous enseigner Cheikh Ahmed Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا on se retrouve ان شاء الله samedi après salat al-asr pour le 7e cours